Eh bien, salut tout le monde et oui, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là. Je sais que je dis ça à chaque semaine, mais c'est vrai, j'adore découvrir de nouvelles musiques franco-canadiennes, de nouveaux artistes, bref, encourager les gens qui font de la belle musique en francophone au Canada. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai entre autres du Lenny Galland, j'ai aussi du Joseph Edgar. Il y a quelque chose comme album de la semaine, l'album numéro 4. On va entendre également du Daniel Groslot, ça c'est une nouveauté côté franco-ontarien, assez intéressant, merci. Jeannie René, Annie Comtois, côté instrumental, c'est de la guitare qu'on va entendre avec entre autres Sean Ferguson et aussi John McGill. Et de l'Ouest canadien, on va entendre du Rihanna, Ariane Marie Clemire, Sean Jobin et bien d'autres. Et oui, bien le bonjour, ici Lalonde des ondes, très content d'être là. Et comme à l'habitude, permettez-moi de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Donc merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup au directeur et directrice de programmation des stations suivantes, CKJM Chéticamp, oui, FM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yolonève, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser ou rediffuser l'émission. Bien sûr, commentaires, suggestions, contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Ça, c'est canrockcdn@gmail.com. Bien sûr, vous pouvez aller sur ma page Facebook de Canrock et regardez toutes les nouvelles, les vidéos, les suggestions de musique francophone que je vous laisse à chaque semaine. Mais à partir de la semaine passée, j'ai inclus également un lien archive.org pour écouter Canrock en streaming. Allons-y avec le blog des Maritimes, si vous voulez bien, tout simplement avec un bon ami à moi, un gars qui tourne sa bosse depuis très longtemps, du côté de l'Acadie, le Carlton qui fête ses 10 ans, son 10e anniversaire. Carlton, c'est une boîte assez intéressante à Halifax, va présenter Lenny Galland le vendredi 18 mai à 20h. Ça va être tout un spectacle. On l'écoute. Voici Une tempête dans mon cœur, Lenny Galland. Pense à tes yeux foncés à chaque fois qu'il pleut. Comment t'aimais le tonnerre, un ciel déchiré par le feu. On comptait chaque seconde entre l'éclair et sa bombe pour deviner le moment où on serait sous son nom. J'aurais dû pouvoir sentir cette brise commencer. Le temps entre nos appels, le ciel noir se préparer. Il y a une tempête dans mon cœur ce soir. J'entends rouler vois traverser le désert. Seul dans ton auto, assoiffé par la tristesse, ton courage a besoin d'eau. Perdu dans cette poussière, avec un rêve inachevé, un amour sans ses ailes, une rivière asséchée. Il y a une tempête dans mon cœur ce soir. J'entends rouler le tonnerre au cri de désespoir. Le barrage va sauter, l'homme est en péril. Qui va la sauver, l'entends-tu? Il y a une tempête dans la charmante Amélie Hall, que j'aime bien, et le chemin des ressources. Vous pouvez aller voir un petit vidéoclip que j'ai mis, je pense, une semaine et demie de ça, sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N, Trédition, R-O-C-K. Et un petit vidéoclip de Amélie Hall qui nous parle un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour elle et tout ça. Donc, une femme vraiment charmante qui fait de l'excellente musique. Et ça, ce deuxième album-là qui a été lancé il y a quelques temps, c'est un album avec beaucoup plus de chansons d'Amélie Hall que son premier. Son premier, il y avait quelques chansons qu'elle avait écrites, mais des reprises également. Mais avec tout simplement Cultiver l'amour, c'est 100% Amélie Hall. Ça vaut la peine de mettre la main là-dessus. Allez faire un tour sur Distribution Plage, www.plage.net, pour sûrement pouvoir mettre la main sur cet album-là d'Amélie Hall, Cultiver l'amour. On va y aller maintenant avec Joseph Edgar. Et oui, Joseph Edgar, que ça va très bien pour lui du côté de la France également. Il va être au Cap à Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine, au Pas perdu, le vendredi 11 mai. Mettez ça sur votre calendrier, les gens qui vont être aux îles de la Madeleine. Ça va être tout un spectacle, je vous le jure. Donc, Joseph Edgar, on va entendre jusqu'au bout. Par la suite, on va entendre Dans mon cabanon de M. Jean-Marc Couture, qui lui... Jean-Marc Couture, eh bien, il va faire partie d'une tournée cet été, une tournée qui s'appelle tout simplement Au feu de camp. Et c'est vraiment une belle tournée avec plusieurs artistes québécois et ontariens et aussi de l'Acadie. Donc, ça risque d'être merveilleux pour lui. On va l'écouter avec Dans mon cabanon. Par la suite, on va écouter Coin caché de Raphaël Buckler, que son album devrait sortir très, très bientôt. En ce moment, il est très occupé avec Accro de la chanson. Il est le parrain de ce côté-là. Et puis, il semble avoir bien du fun, Raphaël Buckler. Donc, on va l'écouter avec Coin caché dans quelques instants. Mais pour l'instant, on y va avec Joseph Edgar. Voici Jusqu'au bout. Back the sunshine. fait si bien les pieds. Peut-être parce que je n'avais pas moi-même choisi mes souliers qui allaient me mener loin d'où je voulais aller. J'ignore la raison pour laquelle je les ai laissés me guider. Comme j'étais volontaire, j'ai même pas pris le temps d'y penser. Why not? Ok, je suis bien prêt à y aller. Soit parce qu'on s'en prête. j'ai déjà rêvé d'une vie à voyager, d'une vie bien simple, rien de compliqué. On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça sera-tu dans un coin perdu, dans un coin caché? On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça sera-tu dans un coin perdu? Ça sera-tu dans un coin caché? Coin caché, Raphaël Buckler, j'aime bien ça, j'ai bien hâte d'entendre son album au complet qui devrait sortir là, d'ici le mois de mai, je pense, à Raphaël Buckler qui nous avait sorti un premier EP avec de très bonnes chansons, hein, qu'on se rappelle, Harley 1970, Ma douce, Rester au Canada. Donc, et d'autres bonnes pièces comme ça. Bien, j'ai bien hâte de voir ce que l'album va sonner. J'ai bien hâte parce que c'est vraiment très, très bien fait. C'est un artiste à découvrir. Sûrement que ça va être disponible sur Distribution Plage, www.plage.net. Et en ce moment, comme je vous disais, il est très occupé avec Accro de la chanson qui se termine là au début mai, je pense, c'est le 11 mai. Parce qu'il est parrain là et puis il s'amuse avec les jeunes, mais il prépare aussi un album qui devrait sortir au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc ça va nous faire plaisir de faire tourner ça parce que c'est de l'excellente musique, Raphaël Buckler de l'Acadie. Aussi de l'Acadie, aussi une fille qui est passée par Accro de la chanson là, jadis, quelques années de ça. Elle a fait tous les concours, là, Accro de la chanson, gala de chanson de Caraquette, ma première place des arts. Et puis ça va très bien pour elle, elle est installée au Québec maintenant, à Québec, je ne me trompe pas. Et je parle bien sûr de Émilie Landry qui, on a reçu une très bonne nouvelle, à la veille là, d'enregistrer cette émission-là, c'est qu'elle va faire partie de l'édition 2018 de Destination Chanson Fleuve. Qu'est-ce que c'est? C'est différents ateliers de formation et spectacle qui vont l'amener à Montréal, Québec, Tadoussac, Petite-Vallée. Elle va être avec des artistes comme Alicia Deschênes, aussi Pierre-Hervé Coulet, Manon Cousineau. Donc, elle va être en compagnie de ces gens-là pour vivre de belles expériences d'écriture. On l'écoute, voici Dans le Nord, Émilie Landry. Sédentaire et de faire ton ménage, vais te ramasser pour de bon. J'pars à 6h du matin, un post-it dans le salon qui dit je reviendrai pas. Tu peux bien courir, mais tu me rattraperas pas. J'pars en road trip avec ton chien qui est part dans le nord, avec ton char. J'pars en road trip avec chien quelque part dans le nord, avec ton chien, puis ton chat. J'suis quasiment virée de bord, 9h du matin,